Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Écrire l'amour, une série documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a un sentiment universel et banal qui est la base de la plupart des récits. Ils s'aiment et puis un jour ils ne s'aiment plus. Ou alors ils s'aiment mais ils ne peuvent pas être ensemble. Ou encore ils l'aiment mais elle en aime un autre. Ou enfin ils s'aimèrent pour toujours, etc., etc. Mais il y a aussi ce plaisir de lire des histoires d'amour alors qu'écouter le récit d'un amoureux transi est souvent une corvée. Mais alors il y a cette question. Comment les écrivains s'attaquent à cette face nord de l'écriture qu'est l'amour et comment ils utilisent ou pas ce qu'ils ont vécu? Les débuts c'était hier, aujourd'hui on est amoureux et ensemble. Alors pour commencer, les personnages. Un auteur qui veut écrire sans être sarcastique, une autre qui aime écouter l'amour dans la voix des amoureux, des écrivains qui veulent raconter ce qui ne va pas, d'autres qui détestent les correspondances amoureuses et ceux qui veulent écrire l'intensité. Ensuite, le décor. Se regarder lire ou écrire une scène de sexe, le désordre amoureux au point d'en oublier ses enfants, l'égoïsme des amoureux, des amours déséquilibrés, un chat d'écrivain, des amoureux trop faciles à ridiculiser, l'amant de Lady Chatterley et l'ennui de la félicité. Aujourd'hui, deuxième épisode, ça y est, l'histoire a commencé. Ce que ce mot d'amour recouvre de choses non seulement différentes, mais absolument contradictoire. Et cet amour heureux, je serais tenté de l'appeler plutôt tendresse. Non pas que l'amour passion, l'amour dévorant, car au fond c'est cela, l'amour qui exige de posséder et de dévorer l'autre. François Mauriac. Née des moments heureux, des moments de plénitude, et il les a, mais justement, ce sont des moments. Aime-moi comme je t'aime. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça? Dans la rue. Raconte. L'amour et les écrivains. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Pendant l'amour. Je rentrais de l'école et je traînais Boubou, qui trépignait, pestait, jurait comme un voyou. Au milieu de la rue, il me fait un caprice et jette son cartable dans les immondices. Me voilà, genoux cernés par les vélos, recherchant les cahiers, les crayons, les stylos. Répandu ça et là, lorsqu'une voix aimable me fait lever les yeux vers un type adorable. Comme un souffle grisant, sa voix à mon chante, fredonne et joue comme un envol d'abeilles. On sait très bien que on peut pas rire avec l'amour. Enfin, je veux dire, c'est très difficile. On risque de casser l'émotion amoureuse. Patrick Lapeyre. Donc, quand vous écrivez une scène d'amour, bah, vous risquez toujours de casser votre scène parce que vous distanciez trop. Et en même temps, vous voulez pas tomber dans une espèce de réalisme vulgaire, je veux dire, où vous écrivez comme si vous aviez vécu la scène le matin même. Enfin, vous voyez, ce que font des auteurs qui n'ont pas le souci de la forme et de la littérature et qui écrivent, pour raconter une histoire. Or, écrire l'amour, ça ne consiste pas à raconter l'amour. Ça ne consiste pas à raconter une histoire d'amour. Écrire l'amour, c'est un peu comme les surréalistes ont rêvé d'écrire l'inconscient. C'est-à-dire... écrire l'inconscient ou écrire l'amour, ça veut dire qu'on imagine, comme ça, on rêve de... que le flux d'émotions amoureuses, on pourrait le jeter sur la page, presque directement, vous voyez. Il y a quelque chose de très physique dans écrire l'amour. C'est pas raconter une histoire d'amour, même si on fait ça aussi, mais on sait très bien que c'est pas ça. En fait, écrire l'amour, ça veut dire capter, comment capter... Enfin, pour moi, la problématique, c'est comment capter l'intensité de l'émotion amoureuse. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont les êtres se rencontrent c'était encore une fois vrai du précédent. Serge Jeancourt. Et de celui d'avant, l'amour sans le faire. Et l'amour sans le faire, non, ça dit bien. Bon, parce qu'après, c'est autre chose, quoi. Mais après, c'est bien aussi. Oui, c'est bien. Alors après, c'est... Parce que l'après, c'est souvent en bruit de fond. C'est-à-dire, c'est la relation de mon personnage féminin avec son mari. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me concerne moi, mais qui au second plan. Parce que la relation d'Aurore avec son mari depuis plusieurs années, enfin bon, elle est là, mais enfin, c'est pas... Je me centre pas là-dessus, à la limite. Mais ça existe aussi, quoi. Et c'est quoi l'amour Est-ce que vous pouvez me donner une définition de l'amour? Il y a des écrivains qui m'ont dit... Il y a une femme qui m'a dit « c'est une illusion ». Je sais plus ce que m'a dit Agnès de Sarthe. J'aurais pas demandé frontalement comme ça, mais c'est venu au cours de l'entretien. Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce qu'est l'amour? Non, mais ça, c'est pas possible. C'est chacun de s'inventer sa définition. Et puis, peut même de la réinventer au jour le jour, je dirais presque. Hein. Après, il y a des degrés, quoi. Mais... Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. J'ai l'impression que les hétérosexuels ont une vision fantasmée de l'homosexualité, comme si c'était, et des couples homosexuels et des rencontres homosexuelles. Mathieu Berman. Comme si plus de choses leur étaient permises aux homosexuels, mais finalement qu'ils s'interdisent à eux-mêmes, parce qu'ils pourraient vivre exactement de la même façon. Mais je crois vraiment que les hétérosexuels fantasment la vie homosexuelle. Enfin, justement, les sites de rencontres, cette possibilité justement de... d'assumer son désir, peut-être, sans forcément y mêler des sentiments. La possibilité peut-être du couple libre, qu'on associe, enfin, que les hétérosexuels associent plus à l'homosexualité aussi. Voilà, je crois qu'il y a les hétérosexuels fantasment beaucoup la vie amoureuse des homosexuels, amoureuse et sexuelle. Mais j'ai l'impression, oui, qu'il y a une part de fantasme, et je crois dont jouent aussi les homosexuels. Apollinaire, le hibou. Mon pauvre cœur est un hibou qu'on cloue, qu'on décloue, qu'on recloue. De sang, d'ardeur, il est à bout. Tout ce qui m'aime, je les loue. Lorsque vous écrivez sur l'amour, Agnès de Sarthe, est-ce que vous êtes pessimiste? Alors, pas du tout. Quand j'écris, je ne suis pas pessimiste. Parce que quand j'écris, je ne suis pas moi. Donc, c'est très pratique. Quand j'écris, je ne suis rien de spécial. J'attends toujours que mes personnages tombent amoureux, moi. Dès que je les rencontre, je me dis, bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont choisir qui? Ils vont choisir quoi? Ils vont aller... Ça m'intéresse, leurs histoires d'amour. Mais c'est pas... Je ne me dis pas... Ah, je vais écrire une histoire d'amour qui se finit mal parce que de toute façon l'amour est une illusion et que non, pas du tout, voilà. C'est je suis surtout sur le commencement. Tiens, qu'est-ce qui va se passer? Sur le ressort, c'est le ressort amoureux qui m'occupe. Et est-ce que vous croyez, vous, Agnès de Sarthe, que l'amour est une illusion? Pas plus que le mur derrière nous, pas plus que la tasse de thé que je suis en train de me verser. Soit tout est une illusion, soit rien est une illusion, disons. Mais je me souviens de conversations adolescentes. À l'adolescence, on parle beaucoup, entre nous, de l'amour, me semble-t-il. En tout cas, moi, je me souviens qu'avec des amis, c'était un sujet de conversation. Et il y avait ceux qui disaient « Moi, je suis jamais tombée amoureux, je sais pas ce que c'est, etc. » Ah, moi, je ne comprenais pas cette phrase, je ne suis jamais tombée amoureuse. Moi, j'ai l'impression d'être amoureuse d'une personne différente toutes les 7 minutes. Donc, je me disais, bah bon, comment ça, l'amour n'existe pas? Oui, vraiment. Et ça me paraissait très, très étrange. Alors, peut-être qu'il s'en faisait une idée beaucoup plus exigeante et complexe que moi, et que c'était pour ça qu'il trouvait que ça n'existait pas. Peut-être pour eux, c'était une illusion. Mais ces confrontations d'idées sur l'amour, ça rejoint un peu ce que j'exprimais comme sentiment au début. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une fluctuance de l'importance de l'amour dans une vie. Et il y a des moments où vous y croyez, vous pensez que c'est la chose la plus cruciale, et des moments où vous dites que non, en fait, c'est une transaction. Parce que ça aussi, c'est une idée qui court, hein, le fait que l'amour est une transaction. C'est-à-dire qu'on est avec, on se met avec quelqu'un parce que c'est pratique, parce que ça nous rassure, parce que la personne nous apporte quelque chose qu'elle n'a pas et dont nous ne voulons pas, selon Lacan, mais enfin peut-être aussi d'autres trucs. Et donc c'est très facile de regarder l'amour de façon désabusée. Il n'y a rien de plus facile à ridiculiser qu'un amour. Les gens qui s'aiment sont pathétiques, ils sont grotesques, c'est une des choses dont il est le plus facile de se moquer. Mais ce n'est pas pour autant que ça dit une vérité sur le sentiment, selon moi. C'est juste que c'est extrême, donc n'importe quoi d'extrême peut passer pour ridicule. Un rire est souvent ridicule, parce que c'est un moment une extrémité, voilà. Grégoire Bouillet, est-ce que quand on est amoureux, le conseil des amis est utile ? Ou est-ce qu'on est tellement dépossédé de soi-même qu'on est tout seul parce qu'on n'arrive même pas à expliquer ce qui ne va pas ? Conseil des amis, rien à foutre. Enfin, je dirais, eux ne sont pas amoureux. Enfin, le personnage de M, tous les gens m'ont dit qu'elle était absolument stupide, que c'était une fille bête, sûrement très belle, très jolie et tout ça, mais que j'avais rien à faire avec cette femme-là et tout ça. Mais il parle, d'abord il parle d'un point de vue qui n'est pas un point de vue amoureux. Et d'autre part, je crois que l'amour, quand on le perçoit chez quelqu'un, indispose les autres. Parce que ça envoie chacun aussi à un état où il n'est peut-être pas amoureux, où il a fait des choix qui font qu'il est en couple et tout ça, mais en fait, l'amour est parti depuis très longtemps de cette histoire de couple, voilà, et que d'un seul coup, quelqu'un qui manifeste un sentiment amoureux, il est fou. Enfin, voilà. Et on a la même attitude envers quelqu'un qui est fou. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une pensée résonante et on dit, fais gaffe, tu vas souffrir, c'est pas bien, tu fais n'importe quoi, tu vois. Mais l'autre est à ce moment-là dans une telle euphorie d'existence, même si cette euphorie, évidemment, elle a sa part sombre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de destruction quand on est amoureux, une volonté de lâcher prise, une volonté de sortir du carcan de l'existence, d'envoyer foutre mais vraiment tous les codes qui sont les codes sociaux, enfin le travail, c'est cette façon que l'on a d'être tous assignés à un travail, à une rentabilité, à une vie qui n'est pas vraiment une vie, enfin voilà. Et quand on est amoureux, d'un seul coup, on a le sentiment de vivre sa vie. Qu'on ait tort ou raison, en tous les cas, c'est une expérience existentielle absolument primordiale. Et même si on en sort complètement lessivé, et Dieu sait si l'amour fait des ravages, mais elle fait des ravages aussi parce qu'on n'est pas armé, que personne nous a appris à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait de la jalousie, qu'est-ce qu'on fait de la passion, comment est-ce qu'on articule le sentiment avec la volonté sexuelle aussi, comment est-ce que ça s'articule? On est dans une culture occidentale qui a résolument séparé les deux, c'est-à-dire qui met au plus haut le sentiment amoureux qui est hérité du sentiment pour Dieu, puis après le sentiment pour l'autre, et qui n'a rien à voir a priori avec le sentiment sexuel. Or, quand on aime, il y a l'envie d'une totalité, et ça peut pas être... Enfin, moi, je suis absolument pas romantique dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une incarnation dans la chair, et que cette félicité dont Héloïse Abelard, par exemple, parle très très bien dans leur lettre. Enfin, on est très surpris que, période médiévale, ces deux êtres se sont aimés de cœur et de corps, mais pleinement de corps, à tel point que, bon, c'est très impolitiquement correct, mais Héloïse revendique que Abelard la batte. Il ne la bat pas comme Bertrand Cantat, il la bat dans le geste de l'amour, c'est-à-dire que dans l'épreuve la plus intense qu'un homme et une femme peuvent avoir entre eux. C'est pas du spectacle, c'est s'éprouver définitivement à deux. Et ils sont, voilà, et c'est génial de lire ça et de voir à quel point, notamment le 19e siècle, est venu complètement séparer les choses. Moi, j'adore cette histoire de Flaubert allant voir son grand amour, Schlesinger, je crois que c'était Schlesinger, je sais plus comment ça s'appelle. après 20 ans de cours assidus, et c'est elle qui est le modèle de Madame Arnoux, et le jour où elle lui dit de venir chez elle, pour enfin, puisque son mari est mort et qu'elle est libre, lui s'arrête au bordel. J'ai rencontré quelqu'un et là, tout de suite, dans la rue de Vaugirard qui me ramène chez moi, rien ni personne ne peut m'ôter cette certitude radieuse. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai envie de le crier sur les toits. J'ai envie de crier qu'il s'agit d'une fille qui s'appelle M, comme M, comme M, comme merci mon Dieu, comme je vous salue Marie pleine de grâce, comme mon joie, comme elle me manque déjà. Je veux la revoir au plus vite, dès lundi prochain. Et puis mardi, et puis tous les autres jours de ma vie. Oui, je veux la voir tout le temps à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, je ne me lasserai jamais de la regarder. Jamais, jamais, jamais, jamais. Quand on est confronté à l'énigme et au danger de l'amour, on ne peut pas en parler. Patrick Lapeyre. C'est ce qui nous rend seuls aussi. Il n'y a pas de conseil, on ne peut rien. De toute façon, en amour, on ne peut rien pour personne. C'est comme en écriture d'ailleurs. Quand on écrit un roman, personne ne peut rien pour moi. Si je n'arrive pas, ça fait 2 jours que je bute sur une phrase, je sens quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas téléphoner à mes amis, aussi cultivés soient-ils, aussi amateurs de littérature, et leur dire écoute, cette phrase ou ce mot. Non, il n'y a que moi qui peut trouver la solution, si je la trouve un jour. Mais en tout cas, voilà, on ne peut rien pour personne. Et en amour, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on va téléphoner à nos meilleurs amis qui pourront quelque chose pour nous. Ah non, ils ne peuvent rien. Ils y vendent leurs conseils, mais enfin, ça coûte pas grand-chose hein, de donner des conseils. Tandis que celui qui souffre, chaque nuance compte. Voilà, c'est ce que j'appelle un tenseur. Une scène, une vision subjective, un personnage voit toute la scène, on est à l'intérieur du personnage. Et autre tenseur, en amour, dans la scène d'amour, il n'y a plus ni passé ni avenir. On doit être dans le présent. On n'est jamais autant dans le présent que dans une scène d'amour. Et donc, les personnages sont enfermés dans la cage du présent. À la face des hommes, au mépris de leur loi, jamais rien ni personne m'empêchera d'aimer, de t'aimer. Le lapin. Je connais un autre conin que tout vivant je voudrais prendre. Sa garenne est parmi le thym des vallons du pays de Tendre. Et alors qu'est-ce que ça veut dire de séparer à ce point le sentiment amoureux de la sexualité amoureuse? Enfin voilà, c'est consternant quand on y réfléchit, c'est consternant. Alors qu'il y a une... Grégoire Bouillet. Évidemment, quand on aime l'autre, on l'aime physiquement et sentimentalement, enfin, et spirituellement, et éthiquement, et politiquement. Enfin voilà, il y a une sorte de totalité qui évidemment ne résiste pas à l'examen, c'est-à-dire que l'autre va manifester aussi qu'il existe et qu'il a une histoire, qu'il a des névroses autant que nous, qu'il n'est pas exactement sur la... Enfin, il y a une friture de l'autre qui fait la personne qui est amoureux, l'autre est peut-être aussi amoureux, mais ils ne sont pas forcément amoureux de la même façon, ils mobilisent pas forcément les mêmes forces, les mêmes rêves, les mêmes fantasmes, etc. Et qu'à un moment donné, il va falloir jouer entre soi et l'autre. Et que ça, c'est la difficulté de la relation quand elle s'installe. Et jouer entre soi et l'autre, y compris dans la sexualité. Évidemment. Et ça peut marcher, ça? Se mettre... Mais ça marche. Enfin, ça marche. Combien de temps ça marche, là, après, c'est une autre question. Enfin, le temps est la quatrième dimension de l'amour qui vient généralement foutre un peu la merde, mais... Ce qui est très compliqué, c'est que vous tombez amoureux, et puis on imagine que l'autre personne tombe aussi amoureux. Et là, il y a un espace-temps très singulier. Enfin, il y a une espèce d'euphorie. Même si le monde est pourri, on le trouve beau. Enfin, c'est absolument génial. Enfin, c'est la plus belle des drogues. Et je pense que c'est vraiment une drogue, parce que le jour où l'amour disparaît, on est dans un tellement que pire qu'un sevrage à l'héroïne. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la substance. Enfin, la biologie, d'ailleurs, l'explique très bien sur les endorphines, etc. Évidemment, il y a une tentation de tout faire ou de tout être avec l'autre. Même des pratiques sexuelles qui ne seraient pas les miennes. Enfin, j'ai pu faire des choses avec une personne ou deux dont j'étais amoureux. Et si c'était ça qui lui plaisait, ça me plaisait aussi. C'est-à-dire qu'il y a des transferts comme ça de fantasmes que l'on peut partager avec quelqu'un. Et sexuellement, évidemment. Ah bah oui, non, mais attendez. Houellebecq, je trouve que c'est dans les particules élémentaires. Celui de 98. Serge, oui, Joncourt. Particulièrement. Je m'en souviens, c'était très palpitant. Moi, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais enfin, je sais que j'ai des souvenirs d'émotions érotiques. Enfin, ça bouscule. Parce que voilà, c'est ça aussi. C'est quand même très étrange. C'est qu'il y a une forme de. Ce sont des passages où, d'un seul coup, il y a presque un réveil du corps quand on lit une scène érotique. Bien mené, quoi. C'est-à-dire ça, on reste pas dans la neutralité du lecteur. Il y a une chimie d'un seul coup qui diffuse là, qui vous prend le regard et qui vous fait accélérer le rythme cardiaque, etc. Probablement plus qu'une scène d'homicide vulgaire, je sais pas. Enfin bon, il y a une identification là qui fait que. Alors chez Houellebecq, ça c'est fort, hein. Après, quand même, chez l'amant de Lady Chatterley, je sais qu'il m'en reste des scènes, y compris sur ce qu'il fait dire à Lady Chatterley, j'ai oublié son prénom, du désir féminin, ça c'est quand même c'est puissant. Hein. Et puis, c'est qu'à la Ferte, sur en particulier Septentrion, quand il les scènes avec cette grosse néerlandaise, je ne sais pas. Alors là, mais il y avait quelque chose d'un peu plus jovial et drôle, presque. Hein. Chez l'avant-dernier d'Éric Reinhardt, hein, L'amour et les forêts, il y avait quelques scènes un peu érotiques. C'était un peu posé parfois, mais bon, ça reste élégant quand même. Hein. Et je vous dis, après, ça court pas les rues. Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Il bandait comme un rat. Christiane approcha sa bouche, commença à titiller le sillon et le frein de son gland avec la pointe de la langue. Un autre couple vint s'asseoir à leur côté. La femme, une petite rousse d'une vingtaine d'années, portait une mini-jupe en sky noire. Elle regarda Christiane qui le léchait. Christiane lui sourit, releva son t-shirt pour lui montrer ses seins. L'autre retroussa sa jupe, découvrant une chatte fournie, au poil également roux. Christiane prit sa main et la guida jusqu'au sexe de Bruno. La femme commença à le branler, cependant que Christiane approchait à nouveau sa langue. En quelques secondes, pris par un soubresaut de plaisir incontrôlable, il éjacula sur son visage. Il se redressa vivement, la prit dans ses bras. « Je suis désolée, » dit-il, « désolée. » Elle l'embrassa, se serra contre lui, il sentit son sperme sur ses joues. « Ça ne fait rien, » dit-elle tendrement, « ça ne fait rien du tout. » « Tu veux qu'on s'en aille ?» proposa-t-elle un peu plus tard. Il acquiesça tristement. Son excitation était complètement retombée. Il se rhabilla rapidement et partirent tout de suite après. Nicolas Fargue, l'écriture d'une scène de sexe, c'est un terrain de jeu idéal ? Ça vous amuse ? Alors, c'est comme l'amour en fait. Parler de écrire une scène de sexe, c'est terrible, mais c'est quasi. Vous êtes appelé dans 95% des cas à vous fourvoyer, à retomber sur des situations mille fois mâchées. Alors, vous avez aussi au cinéma, comme en littérature, de très très belles scènes de passion, mais ça c'est très dur à faire. Hein. C'est très très dur et moi je sais que je fais partie des romanciers qui ne peuvent finalement parler de quelque chose qu'en les déconstruisant. Je serais incapable d'écrire une scène d'amour, une belle scène d'amour. Encore que, voilà, je pense être bien meilleur dans les textos de sexe que dans les scènes de sexe dans mes livres. Ça, je sais, enfin, pour en avoir, je vous dis ça très simplement, je sais que ça fonctionne beaucoup mieux que les scènes de sexe dans mes livres, puisque c'est pour ça que je n'en écris pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'en faire, j'ai trouvé ça grotesque. So infeliz, porque sé que no me quieres, para que más insistir. Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Parce que ça peut marcher parfois. Patrick Lapeyre. Oui, bien sûr. Heureusement, sinon l'humanité ne se reproduirait plus. Ça marche, mais ça marche à condition de distinguer et d'avoir la sagesse de distinguer l'amour passionnel et l'amour conjugal. Enfin, ils sont pas qui ne doivent pas forcément se confondre. On ne peut pas exiger d'un amour conjugal ce que nous apporte l'amour passionnel. Et de même que dans un amour passionnel, on ne peut pas brusquement y faire entrer des exigences conjugales. C'est souvent une crise dans le couple quand, après des mois de passion amoureuse, brusquement, l'homme ou la femme commence à parler de mariage et d'enfants. Bon, parce que là, il y a une confusion entre deux niveaux de réalité de l'amour et deux types d'hommes, à mon avis, si choisi d'une femme. Il y a l'amant pour la vie passionnelle et l'homme qui sera le père de nos enfants. L'insoutenable légèreté de l'être s'ouvre sur... il y a les femmes avec lesquelles on dort, avec lesquelles on dort et celles avec lesquelles on couche. Ouais. Mais ça arrive d'avoir envie de dormir avec celle avec laquelle on couche. Oui, oui, oui, sans doute. Sans doute. Je me souvenais plus de l'Incipit de Kundera. Et puis comme dit Flaubert, il y a aussi les femmes qu'on n'oubliera jamais et qui sont celles qu'on n'a pas eues. C'est Flaubert qui dit ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui va donner le sujet de l'éducation sentimentale. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférons au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse, les jolies filles ont les dronesses, et le plaisir à la douleur. Voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à tire d'aile, dans chaque port, à cœur perdu, dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage. C'est pour ça que je regrette un peu de ne pas en lire plus, moi, chez les autres. À la limite, il devrait y avoir un passage oublié. Oublié, quel lapsus. Un passage obligé. Que tout romancier s'engage à faire au moins une scène d'amour dans son... Parce que là, quand même, ça permet de le jauger, quoi. Je sais pas si c'est plus dur à faire... est-ce que c'est dur à faire? Je sais pas. Et c'est plus dur que d'écrire sur l'amour en général, parce qu'on est mielleux quand on écrit sur l'amour. Ben, ça peut être violent aussi, ou ça peut être ça peut mal se passer, non? Après, si on tombe dans la romance, ben là c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup qui y vont, parce que c'est péjoratif. Et puis même ceux dont on pense qu'ils le font, ils ne le font pas. Je veux dire, Marc Lévy ou d'autres, ils ne sont pas dans la romance. Ça bascule dans le fantastique ou dans le polar, hein, chez les Musso et les gens comme ça. Donc la romance pure, il faudrait aller chez Arlequin. Moi, j'en avais lu un ou deux. Hein. Ouais, ben le problème, c'est qu'on n'y croit pas beaucoup, quoi. Enfin, en tout cas, je me faisais la remarque que l'autofiction... Parce qu'il y a un problème. Le roman a du mal à parler du contemporain, d'aujourd'hui. Le roman reconnecte à son temps au travers de l'autofiction. C'est quand même le paradoxe. Peut-être aussi à la... Oui, on peut trouver... Dans la correspondance, on trouve parfois... Vous aimez bien lire des correspondances amoureuses? Non, j'ai horreur de ça. Parce que ça me gêne. Moi, je sais quand j'écris une lettre que je reçois, et c'est pour c'est pour moi, c'est pour l'autre, c'est pour... enfin, je veux dire, c'est même un mail ou que sais-je. Hein. Alors, parfois, on m'a dit vraiment, va voir ça, parce que là, c'est... Mais bon, j'y arrive, moi, je refuse, je bloque. Parce que, oui, je trouve ça. Je suis pas à ma place quand je lis ça, quoi. Est-ce que vous lisez des correspondances amoureuses? Alors, je trouve que Nathalie Azoulay, que la période est à la correspondance amoureuse là, et ça m'exaspère au plus haut point parce que je trouve ça très opportuniste et je me dis qu'on va sortir vraiment toutes les lettres de tous les amoureux de la Terre et que ça va être super répétitif parce que finalement c'est toujours la même histoire ou presque. Et donc je n'en lis pas beaucoup, non. Je dois dire que je ne lis pas beaucoup de ce côté-là, ou alors il faut qu'elle soit nourrie par bien d'autres choses et par des expériences, je sais pas, de travail commune ou politique, enfin voilà, par d'autres expériences que l'expérience amoureuse seule qui finalement est assez ennuyeuse. Vous savez, en fait, le récit d'amour, quand il n'est pas pris dans une forme artistique, il est comme le récit de rêve, c'est-à-dire il est très ennuyeux, et surtout quand vous n'en faites pas partie. Donc quand quelqu'un vous raconte ses amours, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer à autre chose, et en même temps vous êtes là pour l'écouter, pour la consoler ou le consoler. Bon, mais c'est très très ennuyeux parce que ça dit toujours la même histoire et donc il n'y a pas beaucoup de variété et puis il n'y a pas beaucoup de profondeur parce qu'on est à la surface des choses dans ces cas-là. Quand on est en train de vivre les choses, on est à la surface des choses. Donc les correspondances amoureuses, quand elles ne font pas l'objet de mise en forme, m'intéressent assez peu. Ce que je vis, franchement, c'est bien de le vivre. Mais enfin, j'ai pas en plus l'écrire. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains, et c'est même une tendance, là encore, française, très. Et peut-être que c'est une erreur énorme stratégiquement, et littérairement, et esthétiquement de ma part, de ne pas m'utiliser, moi, comme centre et comme auto-sujet, mais je n'y peux rien, ça ne m'intéresse pas. Et est-ce que vous aimez bien que vos amis ou que, vous racontent leur histoire d'amour? Est-ce que ça peut nourrir Je trouve ça toujours très compliqué d'écouter une histoire d'amour parce que la personne qui la raconte, c'est très délicat de raconter ça, au sens, pas du tout au sens où c'est indiscret, hein, mais c'est assez chiant, la plupart du temps. C'est comme parler de ses enfants, c'est un truc qu'on, à mon avis, on ne faut pas trop faire, quoi, parce que c'est ennuyeux. Pas parce que c'est très agréable à faire, hein. C'est vraiment le truc le mieux, parler de quelqu'un qu'on aime, donc parler de ses enfants, c'est génial, parler de son amant, c'est extraordinaire, mais c'est... Moi, je trouve ça un peu ennuyeux. Et ce qui est intéressant, en revanche, c'est de se demander comment ça qui est ennuyeux, enfin que moi je trouve un peu ennuyeux. Parce qu'en fait, pourquoi c'est ennuyeux? Parce qu'il y a une énorme discrépance entre l'intensité du sentiment éprouvé par la personne qui raconte et le peu de faits, le menu des faits. Même si on vous dit, et alors, on fait l'amour à l'endroit, à l'envers, debout, dehors, dedans, quatre fois. À faire, c'est sûrement vachement bien, quoi. Mais le récit n'est pas... Alors après, comment on fabrique du récit à partir de ça? Ça peut m'intéresser. Les histoires les meilleures, c'est les histoires à la con. Enfin, des histoires, des incidents bébêtes, des choses absurdes. Moi, c'est ça qui me plaît comme histoire vraiment à écouter. Et pour ça, je vais me contredire à nouveau, car c'est ma passion dans la vie, me contredire moi-même. Quelqu'un qui raconte une histoire d'amour ou qui raconte ses enfants, peut-être que le contenu n'est pas passionnant pour moi, mais l'intensité va me passionner. C'est-à-dire que ce que je vais garder, c'est le... C'est l'état dans lequel est la personne, et ça, je vais l'utiliser, par contre. Oh, je vous ai dit et redit que pour avoir l'air d'une jeune fille convenable, il fallait manger en public comme un petit oiseau. Et moi, je tiens pas à ce que vous alliez chez Monsieur Jonesvilsk pour vous tenir comme une fille de ferme et vous gaver comme un goy. Taratata. Ashley Wilkes m'a dit qu'il aimait les femmes qui avaient un solide appétit. Ce que les messieurs disent et puis ce qu'ils pensent, c'est pas la même chose. Est-ce que vous écrivez, Nathalie Azoulay, des mots d'amour lorsque vous êtes amoureuse? Oui, mais je fais vraiment le... Je crois que je fais vraiment la différence entre le moment de l'expérience et le moment de l'écriture. Et pour moi, ils ne sont pas... Enfin, ils sont assez successifs, finalement. Et je me méfie tellement de la projection amoureuse, je me méfie tellement de l'illusion amoureuse. Et je sais que l'écriture est une super projection, est une super mise en scène, un super théâtre. On a besoin de ce théâtre-là pour vivre l'amour, hein, parce qu'on est dans un vedettariat permanent, on est dans une représentation de soi qui est toujours flatteuse Et on en a besoin, hein, enfin, pour nourrir le feu, il faut du vedettariat. Et donc l'écriture fait partie de la mise en vedette. Alors c'est vrai que je m'en sers, mais j'essaye d'être quand même assez modérée, parce que c'est quand même super trompeur, et c'est un tout petit peu de la triche. Mais de qui vous cachez-vous ici ? Qu'avez-vous en tête ? Voyons, pourquoi n'êtes-vous pas là-haut, à faire la sieste ? Qu'y a-t-il, Scarlett ? Un secret ? Oh, Ashley ! Ashley ! Je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui ? Le mien vous suffisait, jadis, pour faire vos griffes. Oh, ne vous moquez pas. Suis-je certaine de l'avoir, Ashley ? Je vous aime, je vous aime. Il ne faut pas dire ces choses-là. Vous m'en voudriez de vous écouter. Oh, jamais je ne vous en voudrais. Je suis sûre que vous m'aimez au fond de vous-même. Vous m'aimez, n'est-ce pas ? Et ce n'est que de l'illusion, l'amour ? Oui, Scarlett. Oui, c'est beaucoup d'illusions dans les démarrages. Et dans les effusions, et dans tout ce qu'on peut appeler la passion amoureuse, c'est beaucoup d'illusions, oui, parce qu'on ne touche pas vraiment le corps de l'autre. Enfin, on le touche, évidemment, mais on est quand même très, très séparés par des images et de soi et de l'autre et de l'amour, donc, et des histoires d'amour en général. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, c'est beaucoup d'illusions. Après, dans la vie et dans la durée, non, l'illusion cède le pas à beaucoup d'autres choses, et notamment à la réalité. Et après, ça devient de l'angoisse partagée, de l'habitude. Et moi, je ne mets pas du tout, de, comment dire, de choses négatives sur l'habitude. Je pense que l'habitude est une belle chose. Alors, il ne faut pas qu'elle soit lassitude, mais je ne sais pas. Il suffit d'aller relire Proust pour savoir que l'habitude est quand même super vitale et permet de vivre beaucoup de choses. Et dans l'amour, il y a un moment que j'aime beaucoup, qui est le moment où on passe justement de ce tout feu tout flamme à l'habitude. Et dans ce tout feu tout flamme, il y a beaucoup de fatigue, hein, il y a beaucoup de mise à l'épreuve, d'attente et d'épuisement parfois. Et quand survient l'habitude dans une histoire, avec, je sais pas, l'occasion d'un rituel ou oui, ou une mise en scène d'un moment qui revient, oui, oui, donc c'est une ritualisation, forcément. Je trouve que c'est un très, très beau moment de repos, en fait, et c'est un répit. Mais quand on commence à passer du tout feu, tout flamme à la première habitude, je dirais, il y a une grande émotion, et en fait, on sent dans ce passage tout ce qui fait, en fait, je dirais, le sel de l'humanité, c'est-à-dire à la fois le besoin d'inconnu et d'aventure et le besoin de sécurité. Et il n'y en a pas un qui est moins noble que l'autre. Pour moi, les deux sont constitutifs et nécessaires. Et donc, je trouve que quand on est dans une histoire d'amour et qu'elle va vers ça, on sent les deux et il y a une forme de jonction très, très harmonieuse à ce moment-là qui est très belle. C'est vrai qu'à partir de mon corps, je me rends compte que j'ai un sens du temps et de la durée qui n'est pas le même. C'est-à-dire, je sais très bien Marie Cardinal. Ce qui se passe, ce qui grouille dans ce qui ne se voit pas, dans l'immobile. Et ça, c'est pas la peine d'être passé par la gestation d'un enfant. Toutes les femmes savent, à cause de ces cycles auxquels elles sont astreintes. D'ailleurs, ça aussi, je crois que c'est en partie culturel, mais enfin, c'est un petit peu trop gros. Elles savent bien, si vous voulez, que bien qu'il ne se passe rien, il se passe en réalité quelque chose. Et les femmes aiment bien ça. Elles aiment ce côté secret, feutré. Et lent. Lent et apparemment immobile. Vous racontez que vers 18 ans, vous faisiez beaucoup de broderies. Puis qu'ensuite, vous avez eu des amants. Et que vous vous êtes aperçu, je vais vous citer exactement, j'ai remarqué que j'allais retrouver mes amants comme j'allais retrouver ma broderie. C'est pareil, oui. C'est pareil. C'est très joli et c'est la même... Ça dépend ce qu'on investit dans la broderie, en l'occurrence. Ou ce qu'on investit dans les amants. Oui, c'est de la passion. I live alone. That hasn't always been easy to do. For just a single woman. Sometimes at night the walls talk back to me. J'ai écrit un livre, le deuxième livre, qui est entièrement vu à partir d'une femme, qui s'appelle « La lenteur de l'avenir », où le personnage principal, qui s'appelle Muriel, voit sa relation, disons-la comme... Enfin, tout est vu à travers ce personnage féminin. J'avais beaucoup aimé ça, plonger dans la psyché d'une femme. Parce que c'est un autre type de, c'est un autre type de rapport aux gens et au monde, je veux dire. C'est plus lyrique, c'est plus sensible et plus lyrique. Quand le personnage est masculin, quand c'est lui qui voit les choses, c'est plus facile de distancier et d'introduire une forme d'ironie, de cynisme, typiquement masculin, on va dire. Donc ce côté chambreur du garçon permet, quand on installe un personnage masculin, de créer sans arrêt un recul par rapport à ce qu'il vit, même s'il en bave. Mais il aura toujours tendance à faire une plaisanterie sur ce qui lui arrive. La fille, ce sera pour moi une réaction différente, plus lyrique, plus mystique, plus élevée, on va dire. Do not you love me? Why no? No more than reason. Why then your uncle and the prince and Claudio have been deceived. They swore you did. Do not you love me? Why no, no more than reason. Why then my cousin, Margaret and Ursula are much deceived, for they did swear you did. They swore you were almost sick for me. They swore you were well nigh dead for me. Tis no such matter. Then... On va dire que je suis un tout petit peu... passéiste ou réactionnaire, il me semble qu'il y a des conditionnements biologiques et des attributs morphologiques et biologiques qui font qu'il y a encore des différences et que l'évolution des mœurs n'y pourra pas grand-chose. Mais je vous dis, je pense que, des attitudes physiques qui sont de l'ordre de la corporéité féminine et masculine qui font que... on est plus ou moins du côté de l'attente ou plus ou moins du côté de la réception. Et je pense que ça, c'est quand même très déterminant, très marquant, et que les actions et les activités et encore une fois les mœurs, même si elles peuvent adoucir les choses, il y a de l'irréductible là-dedans peut-être. Mais peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe et que dans 50 ans, on en viendra à dire que c'est absolument égal. Oui, c'est tout bête, je pense qu'il y a quand même une attitude physique dans l'amour qui n'est pas la même des deux côtés. Donc le fait d'attendre et le fait de ne pas donner, alors on donne, hein, mais le fait d'attendre plutôt ou de recevoir, ce serait plus juste, fait qu'on a une mobilité plus réduite, je dirais, voilà, que les hommes. Mais peut-être ce sera compensé par les mœurs, on l'espère. Mais c'est beaucoup plus facile de donner 1000 fois que de recevoir 1000 fois. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on est beaucoup plus sujet à la chasse et à l'expérience et au nombre quand on donne 1000 fois que quand on reçoit 1000 fois. C'est beaucoup plus épuisant de recevoir 1000 fois. Peut-être je suis pas un homme et les hommes vont dire c'est très épuisant de donner 1000 fois. Mais je crois pas. Je crois que c'est quand même moins, ça porte moins à conséquence. Voilà. Mais c'est affreusement réactionnaire. Finalement, le grand amour de ma vie, ça a été ma mère. Mais si je remonte dans le temps, l'amour le plus passionnel, le plus fou, le plus furieux, le plus délirant, le plus suicidaire que j'ai éprouvé, c'était lorsque j'avais 10 ans pour une petite fille de 8 ans. Romain Gary. J'étais dans un état qui est très présent à ma mémoire, dont je m'en suis jamais remis. On peut aimer avec cette force à cet âge. Avec une force totale et obsessionnelle, au point que, ne sachant m'exprimer sexuellement, naturellement à cet âge, et voulant à tout prix lui donner un manque d'amour, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai mangé une galoche en caoutchouc pour lui prouver mon amour. J'ai été transporté à l'hôpital, j'ai failli crever. C'est les mauvais côtés de l'amour qui m'inspirent, pas les bons. Vous êtes sûr qu'il y a toujours un déséquilibre et l'un qui aime plus que l'autre? J'ai toujours l'impression qu'il y en a toujours un que l'investissement de l'un est toujours plus fort que celui de l'autre. C'est pas toujours les mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, moi, il m'est arrivé d'aimer plus qu'on ne m'aime et d'aimer moins qu'on ne m'aime. Je le sentais, ça se sait au bout d'un moment. On voit, ça se voit au moment de la rupture, ces choses-là. On voit qui, entre guillemets, tient le plus à la relation que l'autre. Alors, c'est peut-être pas à l'autre, mais peut-être à la relation, oui. Avec la même personne ou sur la même... Oui. C'est des variations avec une personne. Non, je parle là de personnes différentes. Encore que dans une des relations, des longues relations, ce qui m'est arrivé aussi d'avoir dans ma vie, les rapports s'inversent aussi à la faveur d'événements qui peuvent être très variables. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une infidélité, ça peut être beaucoup de choses. Les rapports peuvent s'inverser du jour au lendemain. Mais je persiste à penser, peut-être à tort, mais qu'il y a toujours... de la même façon que nos membres n'ont pas la même, on a toujours une jambe un tout petit peu plus longue que l'autre ou les yeux pas tout à fait symétriquement organisés, ben je pense dans l'amour c'est la même chose. Ce n'est pas parfaitement symétrique. Je pense aussi qu'il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Je pense qu'il y en a toujours un qui est prêt davantage que l'autre à des sacrifices. Alors, ça ne veut pas dire que la personne aime davantage. On peut mal aimer, mais fort. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des équilibres sur ces points précisément. Sur le don de soi, en fait. L'écoute aussi, l'écoute. C'est quelque chose... Vous avez des couples, moi, ça m'a toujours étonné de voir... vous avez le sentiment qu'il y a une écoute unilatérale. Voilà, en fait, il y a quelqu'un qui... Voilà, il est posé, que cette personne-là, c'est le clou de la relation et qu'il faut nourrir de questions, de préoccupations, de petits soins. Bon, alors peut-être qu'il y a des gens qui se réalisent aussi dans l'abnégation, presque. Mais une relation, je dirais, parfaitement équilibrée, je pense, n'existe pas. Pas à ma connaissance, en tout cas. Moi, je n'en ai jamais tout à fait vécu. Et je n'en ai jamais vu autour de moi. Régis Geoffrey, est-ce que vous écrivez des mots ou des lettres d'amour ? Ou est-ce que vous vous méfiez tellement des mots que vous êtes économe en lettres d'amour ? Des lettres d'amour ? Oh, c'est très indiscret. Je ne répondrai pas à cette question. Est-ce que vous pouvez qualifier, Régis Geoffrey, le sentiment amoureux maintenant des années 2000, 2010, est-ce qu'il a... Je pense que ce qui est peut-être le plus frappant, c'est que l'amour se donne vite et absolument. C'est-à-dire que le grand amour est donné, arrive, ou on pense qu'il arrive. Tout se passe comme si tout le monde s'aimait, déjà. C'est très frappant. C'est-à-dire que tout le monde s'embrasse, par exemple. Les hommes, les femmes, c'est-à-dire que c'est des embrassades interminables. Les hommes, les femmes terminent toujours leur message par « je t'embrasse ». Et en réalité, on aime facilement. On dit facilement « je t'aime ». Et c'est avec cette même illusion d'éternité à chaque fois. Je pense que l'amour est toujours obligatoirement éternel. Autrement, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime. Et en même temps, les amours se succèdent souvent. Et on ne perd pas l'espoir d'aimer. À aucun moment. Je pense qu'on est dans une époque qui est pleine d'espérance par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté romantique et désespéré. Je pense que c'est terminé. Je pense qu'on repart toujours vers de nouvelles amours. Vous savez, c'est le ver de Vigny. Cet amour taciturne est toujours menacé. Cet amour tendresse est toujours menacé parce que autour de lui tourne indéfiniment, rôde indéfiniment un fauve, l'amour-passion. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille en un bel étoile. Quelques étoiles filant. Toi en la bonne étoile, autour de tout, c'est figurant. Est-ce que vous avez des mots pour qualifier l'amour de maintenant? L'amour de 2017-2018. L'amour contemporain, c'est oui. Une, est-ce que vous pensez que ce sentiment, que le sentiment évolue, est-ce que, et ça, ça se, si oui, ça se verrait dans les textes. Dans les dans les textes. Et hein. Dans les histoires, oui. Dans les textes, je peux pas vous dire parce que j'ai pas lu des romans d'amour très contemporains. Je crois que j'en ai lu aucun récemment. Ou des autofictions. Non, je crois pas qu'il y ait une particularité d'époque. Peut-être l'impatience, mais enfin, encore une fois, je vous dis une banalité. Il y a une forme d'intolérance qui est plus grande parce que parce qu'il y a une vitesse qui contamine aussi l'amour, enfin la façon de vivre l'histoire d'amour, mais je crois pas, je crois qu'il y a pas mal d'invariants, il y a pas mal de non, il faudrait voir ce que serait aujourd'hui je sais pas une madame de une princesse de Clèves contemporaine, comment serait-elle, comment est-ce qu'on fait pour pas aller dans l'amour, pour maintenir le désir à fond, à feu et à sang, je dirais, et se retenir. Est-ce que la rétention et l'abstinence de cette manière-là est possible aujourd'hui? C'est pas très sûr. Hein. Et une Madame de Merteuil non plus? Ah si, plus. Si ah oui. Oh, quand même plus. Non, le jeu amoureux, il est quand même encore très possible. On peut encore beaucoup manipuler et ruser et pervertir dans tout ça est quand même très très possible et très enfin rendu très possible par les règles contemporaines et par la liberté contemporaine. En revanche, l'abstinence et la manière de retenir en soi le désir pour ne pas l'abîmer, c'est pas des choses très contemporaines. Non, je sais pas. Les auteurs vous ont parlé d'incarnation très contemporaine. Non, les auteurs, Nicolas Fargue a parlé de Facebook, de Twitter, des textos d'amour. Ah mais non, mais c'est vrai que vous pouvez vous faire coincer dans l'amour en trois textos, quoi. Donc, ou trois WhatsApp plutôt. Parce que c'est encore plus rapide. Et qu'en plus, vous avez toutes les règles de la. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour nourrir l'attente et le désespoir. C'est-à-dire, vous savez s'il a lu, pas lu, à quelle heure et tout ça. Et est-ce que l'amour et le couple font bon ménage, peuvent faire bon ménage? Ou il y a toujours quelque chose qui vient mettre le bazar? L'amour et le couple, normalement, font bon ménage. Devraient faire bon ménage, puisque le couple, en fait, on a dû inventer ce mot pour parler de deux personnes qui s'aimaient. Mais en réalité, je pense que l'amour ne marche jamais bien et que c'est ça l'amour. C'est parce que ça marche pas bien que c'est l'amour. Une émission sur l'amour. Vous êtes amoureuse, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les gens que vous avez reçus, qui ne sont peut-être pas dans cette émotion-là nouvelle et première. Et rien. Ah non, c'est pas possible. C'est déloyal. Vous l'avez rencontré comment? Vous êtes rencontré comment? Non, attendez, oui. J'arrête deux secondes. Non, mais vous, non. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé au milieu. Avec Patrick Lapeyre, Serge Joncourt, Mathieu Berman, Agnès de Sarthe, Grégoire Bouillet, Nicolas Fargue et Nathalie Azoulay. Extrait de film Autant en emporte le vent de Victor Fleming et Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. Réclamer notre amour aux sentiments perdus au milieu des cartables et des portefeuilles vidés. Tu serais bien aimable de venir me chercher. Recherche Ina, Isabelle Fort-Rendu. Lecture Maëlle Genet et Philippe Cariou. Si ce que se disent les clés. Mixage Claude Niort. C'était L'amour et les écrivains, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vivre une histoire d'amour, bibliographie, lien, nous réécouter en couple ou nous podcaster pour les dîners aux chandelles, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et demain, troisième épisode, les premiers accros.